les chaînes bougent sans bruit. Tout est prêt. La passe dort, mais moi je veille, mon sac est plein. Mon cœur est vide, rêver ce qu'il entre sans fracas. Mais tout va exploser. Chaque pas résonne comme un compte à rebours. Ce n'est pas une visite, c'est une sentence. Le métal cède, le sol tremble, personne ne m'arrête. Je prends ce que je veux, je suis Rider Skill. Et je suis déjà dedans. Après le calme, le métal cède, le sol tremble, personne ne m'arrête. Je prends ce que je veux, je suis Rider Skill, et je suis déjà dedans. Le silence revient, mais plus jamais comme avant.